Ok, bah, rebonjour la centrale. Eh ben, je suis avec Manon, Claire et... Jeanne. Et Jeanne, voilà, qui font des super sons. Tu veux pas refaire le son de tout à l'heure, parce que c'est vraiment chouette. Elles ont fait des instruments de fortune qui font un son absolument magique. Voilà, c'est très différent de tous les autres sons qu'on entend. Et surtout, elles ont à peu près 40 ans de moins que les gens que j'ai interviewés jusqu'ici. Donc, eh ben, je vais les laisser vous dire bah pourquoi pour elles c'est important d'être là. Pour soutenir la lutte, parce que on veut en même temps aider. Les personnes qui sont concernées directement, comme nos parents, mais nous aussi en fait, parce que nous aussi on est concernés par la clause, enfin comme le dit Macron avec la clause du grand-père, en fait, on va aussi avoir cette réforme, donc il faut réussir à mobiliser des jeunes aussi, parce que c'est compliqué, et que les jeunes ils se rendent pas compte de l'ampleur que pourrait avoir un mouvement, si ce serait bien, s'il y avait d'autres jeunes, on pourrait faire un mouvement encore plus réussi. Mais du coup, pour l'instant, bah, on est peu de jeunes, mais on espère qu'on va réussir à ramener plus de monde. Ouais, la clause du grand-père, c'est un peu la clause anti-ado, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Anti-ado, anti-enfant, anti-pas mal de monde. Parce qu'ils pensent que les gens, en leur disant « on va pas s'attaquer à vous, mais seulement à vos enfants », ça va les calmer, mais ils pensent que personne ne pense à ses enfants, mais ça marche pas. Et vous, toutes les trois, vous faites partie d'un syndicat lycéen, ou je sais pas quel âge vous avez, en fait, vous êtes jeunes. Moi, j'ai 14 ans, et... on fait partie de rien de spécial, mais on a fait des réunions et tout ça sur le climat aussi, des choses comme ça, mais on ne fait pas partie d'un truc particulier. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Et vous arrivez dans votre collège ou dans votre lycée, je ne sais pas en quelle classe vous êtes. Moi, je suis en troisième. Troisième, ok. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui vous arrivez à faire bouger un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de blocage dans les collèges de Rouen ou de l'agglomération? Bah, sur le climat, c'est plus simple parce que ça, c'est un peu plus facile de dire aux gens de faire quelque chose sur le climat quand on est jeune que sur les retraites parce que ça leur parle un peu moins. Ouais. Mais on a réussi à faire des petits trucs. On a fait quelques manifs où il y avait pas mal de monde de notre collège, mais après c'est compliqué parce que les gens sont pas toujours très motivés, donc une ou deux fois ça va, après ça commence à être lassant un peu, et sur les retraites pas trop parce que les gens se voient pas trop le rapport avec eux directement, et donc souvent ça les motive moins. Puis oui, les parents. Les parents veulent pas des fois parce que ils trouvent que ça peut être dangereux, où il y a l'école et ils veulent pas rater l'école du coup. Et voilà. Donc il faut se mobiliser malgré l'avis des parents des fois. Ouais. Et puis on le voit bien aussi quand on fait du tractage devant les lycées. Enfin moi en tout cas je suis en seconde et quand je tracte devant mon lycée, je vois bien que les gens ils prennent le tract par politesse mais ils le lisent pas, ils le rangent dans leur poche et après ça se voit aux manifs qu'il y a vraiment un peu de lycéens. Ouais. Bon, est-ce que tu peux nous, pour terminer, tu peux nous faire encore ce magnifique son, s'il te plaît? Je m'en lasse pas du tout. Et en plus, c'est toi qui as fabriqué cet instrument. Oui. C'est une sorte de mélange de trombone et de, je sais pas. Et de clarinette. Et de clarinette, fait avec de la récup en plastique. Et c'est juste magnifique. Bah, je vous remercie les filles. Bonne manif. Merci. À la centrale. Eh bien, écoutez, je continue ma déambulation avec tout le monde. Là, la manif suit son cours après un petit moment où il y a eu un très gros flottement parce que les flics ont barré l'accès à la rue principale de Rouen, la rue Jeanne d'Arc, qui est celle sur laquelle il y a eu des violences policières jeudi dernier. Et de nouveau, en fait, naturellement, ils étaient là et au point de contact, ça a créé des très, très grosses tensions. Voilà. Ok, eh ben écoutez, je continue et il y a voilà, toujours autant d'énergie sur cette manif et c'est très très chouette. À plus tard.